Hardcore et la vie qu'on mène dans la haine, les jeunes veines, le chômage règne, entraîne les frères dans la peine. La vie n'est pas un fleuve où tu erres paisible, c'est un tourbillon terrible où tu sers de cible. Balancé de bâbord à tribord, de tribord à bâbord, incertain de ton sort, tu es seul à bord. Dehors, préparer son avenir est la meilleure des offensives, de n'importe quelle manière, du moment tu arrives. Gars, cherche pas tout moyen à te surpasser, classe papier de nez, cherche à avancer. B-H-I-L-O, yeah, a fait son choix, yeah. Après tant de galères, il conseille ses frères. L'œil et la lumière qui éclaire ton esprit, qu'il brille pour que tout te sourie. Sois en éveil, suis les bons conseils. Vol de tes propres ailes. Hardcore et la vie, c'est à toi de faire le bon choix. Réveille-toi, n'attends pas qu'on décide pour toi. La vie n'est pas un fleuve où tu erres paisible, c'est un tourbillon terrible où tu sers de cible. Hardcore et la vie, c'est à toi de faire le bon choix. Réveille-toi, n'attends pas qu'on décide pour toi. La vie n'est pas un fleuve où tu erres paisible, c'est un tourbillon terrible où tu sers de cible. La misère règne sur notre air, rend les gens pervers. Oh yeah, jadis c'était le paradis sur terre. Quel rêve, perdu sous les crocs d'Adam et Ève. Mes frères, j'élève pour qu'un jour meilleur se lève. Laisser faire le destin n'est surtout pas un atout. Le prendre en main, c'est faire d'une pierre deux coups. Le chemin du travail est parsemé de gouffres. Explosion de train, entend comme les salariés souffrent. D'autres préfèrent prendre des risques pour gagner du fric. Showbiz, business, trafic, pour entrer en Afrique. L'argent sale est le moteur de la pitbull génération. Tous les chemins mènent à Rome, donc pas de morale, garçon. Pardon, merci, si je n'ai pas suivi la voie que tu voulais. Je sais que sur ton chevet, chaque jour pour moi tu pries. Yeah, pour que je reste sain de corps et sain d'esprit. Non atteint par le speed de mes amis. Malgré tout, je suis jusqu'au bout. La voie que je veux prendre, Dieu seul sait. Finirai ensemble. Hardcore et la vie, c'est à toi de faire le bon choix. Réveille-toi, n'attends pas qu'on décide pour toi. La vie n'est pas un fleuve où tu erres paisible, c'est un tourbillon terrible où tu sers de cible. Hardcore et la vie, c'est à toi de faire le bon choix. Réveille-toi, n'attends pas qu'on décide pour toi. La vie n'est pas un fleuve où tu erres paisible, c'est un tourbillon terrible où tu sers de cible. Waouh, waouh, waouh, voilà un nouveau monde. Yeah, yeah, yeah, je reste dans l'underground. Je ne finirai pas ma vie dans cette zone. Je cherche un peu d'argent pour retourner dans ma faune. Ça t'étonne, baby, que j'ai des diplômes. Tu me crois sportif avec la pensée d'un môme. Détrompe-toi, dans la vie, PHLO est malin. Avec les femmes galins, mais vilain avec le malin. Yo, PHILO, en solo au micro. Représente un doc du ménage à trois go.